Quand on parle du soleil, on parle inévitablement de tout ce qui touche la volonté chez l'être. Mais il faut comprendre le mot volonté. On ne peut pas vouloir ce que l'on ne contient pas. Ça, c'est très, très important de comprendre cette dimension. Donc, vouloir, on peut vouloir beaucoup de choses et en réalité, ce n'est que du désir. Mais la volonté réelle, celle qui touche l'effet du soleil, c'est une volonté qui repose essentiellement sur une capacité de contenir des événements, de contenir une électricité, un champ d'impression qui est souvent absorbé et particularisé selon la programmation de l'individu. Il est donc ici extrêmement important de saisir le mot « contenance » parce que vous ne pourrez jamais vouloir au-delà de cette contenance. Vous pourrez rêver, vous pourrez imaginer, vous pourrez désirer au-delà de votre contenance, mais vous ne pourrez jamais réaliser quoi que ce soit d'efficace, de concret et qui a une portée à long terme si c'est au-delà de votre contenance. Chaque programmation a son lot de facilités et de difficultés. Et ça se voit en général par la façon dont les planètes se disposent l'une par rapport à l'autre, les aspects planétaires. Et aussi dans les facilités qu'elles peuvent obtenir selon la maison qu'elles habitent. Donc chaque planète réussit tant bien que mal à donner sa coloration, à donner son essence, à donner son mouvement à un signe et à une maison. Quand on parle du Soleil, on parle de la planète qui est probablement la plus importante parce que c'est elle qui détermine ce que l'individu contient. Donc, peu importe que vous ayez des effets martiens, donc de Mars extrêmement positifs, si votre combativité n'est pas capable de composer avec une bonne position solaire, vous allez donner beaucoup de coups d'épée dans l'eau. C'est donc dire ici qu'il est important de comprendre que la position solaire a priorité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les journaux, on se réfère généralement au soleil, parce que c'est là que l'individu manifeste sa projection et sa volonté, donc ce qu'il contient de la vie. Tous les lions, tous les verseaux, tous les béliers ne sont pas nés égaux. Ce n'est pas parce que vous avez un soleil en lion que vous avez automatiquement l'autorité du lion. Vous avez en banque une capacité de vous présenter avec autorité et avec force, mais il vous faut quand même une programmation qui vous permet d'explorer, de vivre des expériences qui iront progressivement toucher tous les aspects de ce que les gens ont peur ou ont comme limitation et que vous aurez à dépasser vous-même pour aller chercher l'autorité qui est dans le signe du lion. Donc, il faut comprendre, là je parle du lion, mais j'aurais pu parler d'un autre signe, il faut donc bien comprendre que la position solaire donne une puissance vitale selon la caractéristique du signe, donne une puissance vitale qui est équivalente à tous les signes, c'est-à-dire que la position solaire, ça a une puissance, on va dire un chiffre comme ça, strictement d'une façon aléatoire, on va dire 10, et c'est 10 pour tout le monde. Que vous soyez poisson, lion, verseau, c'est 10 pour tout le monde. Donc la force vitale du soleil, la capacité de contenance, c'est 10 pour tout le monde. Ce qui est différent d'une personne à l'autre, c'est quand ça tombe justement dans un signe différent. Quand c'est dans un signe différent, ben, l'individu commence à établir des priorités. Cette volonté, cette contenance s'applique à créer une sélection de ce qu'il veut vivre. Souvent, c'est ce qu'il peut vivre parce qu'il y a quand même une famille, il y a quand même son environnement social qui a des influences sur sa personne. Mais là, il y a des censures qui s'installent, il y a des restrictions, il y a des limitations qui réduisent son 10 natal à peut-être à 8. Je donne des chiffres toujours d'une façon aléatoire pour faire comprendre le principe. Donc, on va dire qu'il y a des signes qui sont plus portés vers le commandement que d'autres, et c'est réel, parce qu'il y a, exemple dans le bélier ou les signes de feu, une volonté d'impact qui est beaucoup plus grande que chez les signes d'eau, exemple, qui sont des signes plus absorbants, donc qui sont plus défensifs, tandis que les signes de feu sont plus offensifs par nature. C'est donc dire ici que là, à ce moment-là, la capacité de contenir, si un signe de feu, exemple, est favorisé de par les autres mouvements planétaires à se présenter dans des expériences à haut niveau de risque et à haut niveau de tension, et qu'il se dégage de certaines limitations, de certaines peurs que, d'une façon collective, les gens ont, ben, il va commencer à goûter à de l'autorité. Il va commencer à goûter à de la force. Et cette force, elle va grandir au fur et à mesure qu'il va être capable de capitaliser avec l'impression sur son environnement. Donc, l'influence solaire dans le signe va donner un petit peu l'ambiance dans laquelle l'individu va faire sa sélection, et le reste, les courants d'événements, la destinée, en d'autres termes, va présenter une sélection dans laquelle il va aller naturellement vers ce qu'il contient de mieux en mieux en vieillissant. Et selon les autres mouvements planétaires qui vont être favorables à la position solaire ou défavorables à la position solaire, il va partir d'un calibre maximum à une perte progressive selon les censures, selon les restrictions qui vont se présenter dans sa vie, une perte progressive de cette force pour devoir la reconquérir au cours de sa vie. C'est comme si on est tout neuf, on subit des restrictions et à un moment donné de notre vie, on explose pour reconquérir ce qu'on sent qu'on a perdu quand on était jeune. Il y a des gens qui ne réussissent pas à se dégager de la limitation que la destinée leur a mis à cause d'une psychologie qui est affaiblie, mais toute personne qui rentre dans un processus de conscientisation, donc de développement de l'identité, en arrive assez rapidement à comprendre qu'il doit remonter, un peu comme les saumons pour frayer, ils doivent remonter des courants adverses pour aller se faire vivre une nouvelle naissance. Donc l'évolution d'une personne avec son soleil, c'est toujours de comprendre qu'il est plus facile, selon le signe, de contenir les aspects du signe. Quand on se réfère aux mots-clés qui sont liés à chacun des signes, le lion, exemple, l'autorité, le bélier, l'élan, le scorpion, le drame, les poissons, les intrigues, bien, quand les gens réussissent à développer une conscience parfaite de ce qu'ils sont capables de contenir comme choc, comme tension ou comme pression dans l'évolution de la vie, bien, ces individus-là prennent la force maximale que le soleil peut donner. Si, par contre, ces gens-là se noient dans la plainte, se noient dans le négatif, là, ça diminue cette force vitale que le soleil donne. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous partez de 10 et vous pouvez réduire jusqu'à 2, 0 étant un suicide certain. L'évolution, donc, d'un être, c'est une évolution qui n'est pas établie, je dirais, au point de ne pas laisser l'esprit activer ou dynamiser son âme, parce que l'âme a un potentiel, mais c'est l'esprit qui allume cette âme. Et il faut bien comprendre que les conflits que les gens rencontrent dans leur vie sont ni plus ni moins que des tests de contenance pour développer de la contenance, et que le soleil est probablement l'élément qui réfère le plus à l'effet de générateur de cette contenance et de cette force qu'il doit aller rechercher, ni plus ni moins, dans les expériences considérées adverses dans sa vie. Parce qu'il y en a toujours. Chaque signe a son lot de facilités et son lot de difficultés. Et chaque signe donne un cadeau à celui qui réussit à se défaire de la difficulté. Et le cadeau que vous avez par la facilité, ben ça vient d'une autre vie. C'est comme l'expérience de votre âme qui a été acquise dans une autre vie et qui vous donne aujourd'hui un certain héritage à la naissance, ce qu'on appelle vulgairement les talents. Et inévitablement, l'individu qui a la chance de goûter à son talent jeune et qui est appuyé par son environnement, donc qui est enveloppé par son environnement, découvre plus rapidement ses facilités, mais est quand même obligé avec les années, pour conserver son individualité, de faire face aux difficultés qui sont générées par le signe et que la planète, donc le soleil ici, doit présenter comme une force de caractère, une puissance d'impact et surtout une capacité de contenir l'adversité. J'applique beaucoup sur le fait que le soleil, c'est une force, une puissance pour traverser des limitations et donner à l'individu une capacité de se défaire de l'adversité qui est marquée ou qui est signée, si vous aimez mieux, par le signe astrologique. Un aspect très important à comprendre, c'est que quand vous venez au monde, vous ne disposez pas automatiquement des avantages et des facilités du signe. C'est comme un potentiel qui doit être éveillé. Et pour le soleil, on parle ici d'une capacité de contenir. C'est comme une possibilité qui est intuitivement révélée à l'être au fur et à mesure qu'il rencontre les points, comme je mentionnais, d'adversité et les points d'acceptation de son milieu, de son environnement, à ce qu'il projette de sa personne. Identifiez toutes les ondes de rejet que vous avez dans votre vie et traversez-les toutes. C'est là que vous allez développer cette fameuse contenance que je parle, qui se lie au soleil. Les gens qui ne plient pas des genoux dans l'adversité font face à ce rejet et développent une contenance interne, personnelle, qui les emmène très, très, très loin dans l'évolution de l'application de ce que le signe permet pour le soleil. Quand on parle de la Lune, on parle de tout ce qui touche l'imagination, une sensibilité qui active les mécanismes de réflexion. Essayez de vivre une vie sans réfléchir et vous allez être une personne extrêmement libre. Je ne dis pas que la Lune impose à l'individu une prison. Disons que la Lune stimule et excite sérieusement toutes les zones d'insécurité de votre vie où vous risquez, par le biais d'une sensibilité ou d'une émotivité légèrement extrême, que vous êtes exposé à une très forte mise en situation de réfléchir. Et quand on parle de réfléchir, on est exposé à de la polarité. La Lune, indépendamment qu'elle soit en signe double, en signe fixe ou en signe cardinal, elle sera toujours portée à installer une intensité dans la polarisation. C'est sa fonction de vous mettre à vif. Des fois, c'est drôle parce que quand on vit un sentiment, on aime ça des fois le vivre, comme on dit, au bout. On aime vivre intensément, passionnément. C'est grâce à la Lune. C'est passager, mais quand ça passe, même si on veut le répéter souvent, on sait que c'est un mouvement qui est lunaire. C'est un mouvement qui astralise, ce qui place l'individu dans une sorte d'aspiration de sensation qui se veut temporaire. Mais c'est très différent de cette sensation lunaire de la sensation vénusienne, exemple, qui, dans l'effet de Vénus, a tendance à envelopper l'être dans la forme. Tandis que la Lune, c'est réellement une enveloppe imaginaire. C'est la façon dont on vit nos rêves. C'est la façon dont on se place pour se mettre en laisser-aller, en mode laisser-aller avec notre environnement. C'est donc dire ici que quand les individus aiment vous voir comme enfant, vulnérable, avoir la candeur de Noël, croire au Père Noël, croire à leurs histoires, on fait référence aux effets de la Lune. Si on vous dit « Viens au casino, on va gagner notre vie là », c'est lunaire. Si on parle de courant, de sensations et d'émotions sur la bourse, c'est lunaire. Donc, il est inévitable que tous les mouvements qui ont un côté, disons, très irrationnel, très lié à des courants de collectivité, une panique qui s'installe dans un métro, un mouvement de groupe, des applaudissements nourris, et puis à un moment donné, on embarque. Mais quand on embarque sur quelque chose qui est très, très irrationnel et qu'on ne peut pas comme consolider dans une forme avec une mécanique quelconque, avec une prévisibilité, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit un mécanisme lunaire. Évidemment, là, vous allez me dire, oui, mais c'est-tu négatif? Ben, ça dépend comment on le regarde. Si, dans votre vie, vous voulez plonger dans le cri primal, aller retrouver des aspects de votre enfance, des ambiances, des odeurs, des climats, une façon d'être touché par votre environnement, et que vous voulez plonger dans votre imaginaire, que vous voulez un peu faire du cinéma, ben, cet aspect lunaire a beaucoup d'importance parce que c'est là que l'individu va pouvoir donner une plus-value à son existence. Plus-value, j'entends comme en magnifiant quelque chose, un peu comme un emballage va donner un plus grand impact au contenu, au niveau des tablettes du moins, et des histoires qu'on raconte. Je vous donne un exemple comme ça en passant. Vous avez un antiquaire qui vous vend un meuble et vous achetez le meuble et voilà, c'est fait. On pourrait dire c'est Mercure, c'est froid, c'est calculé, on sait ce que ça vaut, on le rapporte chez soi et voilà, c'est merveilleux. C'est très froid, c'est très mercurien. Mais vous vous faites vendre un meuble, le même meuble, avec un antiquaire qui a, lui, une approche plus lunaire. Et puis là, il va vous raconter une histoire d'un grand-père qui a acheté le meuble dans une certaine situation, une condition. Il va vous conter le drame qui a été vécu quand il s'est séparé de son meuble. Et là, vous allez repartir avec un autre meuble. C'est le même meuble que l'autre qui l'a acheté à la Mercure. Mais là, ce meuble-là, avec la lune, là, c'est pas pareil. Il y a une histoire. On pourrait même dire qu'à un moment donné, il va peut-être se développer une légende. Ça va devenir neptunien à ce moment-là. Mais le mouvement d'enclenchement de cette charge émotionnelle, c'est l'effet lunaire. Vous arrivez à une auto, et puis vous l'aimez, l'auto. Mais là, vous avez, pour un homme, là, une super belle femme qui vous dit « Ah, ça, c'est une auto que je te vois dedans. » Oup, là, c'est comme, il est plein intéressant, là, l'auto. Si la personne s'approche et s'assoit avec vous dedans, là, c'est sur le bord de se faire acheter. Et si la personne vous dit, ouais, je te marierais, si t'aurais ça. Ben là, si la pulsion émotionnelle est très forte, vous n'aurez peut-être pas à penser de vous rendre jusqu'au mariage, mais l'effet lunaire va avoir fait son effet. Et si vous ne l'achetez pas, vous allez presque le regretter. Pourtant, vous étiez là pas, comme ça, là, passant là, à regarder des autos, tout simplement. On pourrait dire que dans un sens, c'est toute la bullshit d'envie pour laquelle on paye un petit peu plus. Tu sais, un verre de coke chez vous, ça coûte 75 cents. Puis vous allez au bar, puis c'est 3 pièces et 25 plus 50 cents ou une pièce de type. Entre nous deux, là, il y a combien de bullshit entre les deux verres? Ça, c'est l'effet lunaire. C'est tout ce qui crée une ambiance, un environnement où on pourrait dire que l'argent circule à flot, un peu comme les touristes. Vous allez en vacances et puis il y a du bullshit dans votre bouffe, dans votre alimentation, dans vos transports. Ça coûte tout plus cher que pour le peuple. Et ça, c'est lunaire. On comprend que les effets lunaires, pour le commerce, ça peut être très bon. Quand on dit qu'il y a une pleine lune, ou il y a une éclipse, ou il y a quelque chose, les effets de la lune ont énormément d'impact sur les attitudes affectives ou émotives des gens, mais une affectivité passagère. J'applique là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de permanence. C'est vraiment des humeurs du moment. D'ailleurs, la lune connecte beaucoup au fait des humeurs, au fait des sensations passagères, au fait des coups de cœur, mais pas des coups de foudre, des coups de cœur passagers. Et puis... Si vous réussissez à trouver dans un mouvement lunaire, soit parce que la Lune est placée dans des positions des maisons, comme exemple un ascendant, le milieu du ciel, ou qu'elle est placée dans des signes très forts comme Capricorne, Scorpion, bon, c'est sûr que vous allez vivre des émotions extrêmement intenses et troublées, mais ce qui va en sortir de ça, c'est comme une capacité de lire dans... l'impression, le bullshit que j'appelle, et dans la réalité. Faire la différence, c'est quoi la part des deux? Les gens qui ont une bonne maîtrise de leurs émotions, qui ont une bonne maîtrise de leur côté lunaire, c'est des gens qu'on dit généralement très sages. Parce que ils ne se laissent pas emporter par les mouvements collectifs. C'est des gens qui ne se laisseront pas aspirer dans des champs d'attraction à caractère fanatique. Ce sont des gens qui vont, devant la publicité, avoir une attitude prudente et voire même extrêmement, un œil extrêmement exercé à bien lire c'est quoi leurs besoins versus leurs désirs. C'est à travers ces expériences lunaires-là que l'individu finit par comprendre comment il réagit ou comment il se positionne dans une décision. Parce que prendre une décision puis réagir, c'est deux choses différentes. Prendre une décision, c'est solaire. Et réagir, c'est lunaire. Quand vous réagissez dans la vie, c'est parce que vous êtes sous l'effet de la lune dans votre carte du ciel ou sous un effet d'éclipse quelconque. Si vous allez vers une décision, ça c'est un processus solaire. Parce que la décision ne peut être prise que sur ce que vous contenez. Tandis que la réaction passe toujours par votre imaginaire. Vous allez lire et interpréter les choses selon votre réflexion et non pas selon sa réalité. Il faut bien comprendre que la Lune déforme la réalité, qu'elle crée une photocopie, une multiplicité d'un comportement et où là l'individu se trouve, dans mon langage, à être astralisé, donc polarisé, donc exposé à en voir plus que la réalité ou à en voir moins que la réalité. Quand on parle de la névrose féminine, c'est lunaire. Pour la femme, la Lune est très importante. Pas simplement pour les cycles menstruels, mais également pour comment son émotivité se vit, comment son émotivité se pose ou se prend dans ses rapports avec l'environnement. On comprend assez facilement qu'une personne qui est trop sensible dans un cas quelconque, c'est une personne qui est sous les effets lunaires et qui est extrêmement polarisée, donc qui vit selon son monde imaginaire et qui ne veut pas prendre contact avec la réalité. Les gens qui ont beaucoup de dissonance avec la Lune, en général, ont des problèmes avec la mer, ont des problèmes d'enveloppe et ont des problèmes avec la foule. Et la foule, c'est tout ce qui est anonyme à nous. Les gens qui ont des bons aspects lunaires, c'est des gens qui peuvent être facilement populaires parce qu'ils sont capables de saisir ce qu'une foule ou ce qu'un ensemble de personnes veut. Les modes, les lignes de conduite, les lignes de pensée, les courants de pensée passagers. Les gens qui sont capables de vous faire un T-shirt là, avec une phrase célèbre là, pour la journée, pour la semaine ou pour un événement, c'est des gens qui ont une très grande conscience lunaire de la foule, donc de qu'est-ce que les gens veulent acheter. Pour les gens qui sont en marketing, avoir une position lunaire, c'est vital. Donc, à retenir que c'est une planète qui vous enligne dans une très grande réflexion. Et que cette réflexion peut faire émaner des grandes idées, des grands concepts, à condition évidemment que l'individu ait une structure autour de lui, un environnement qui a les moyens d'agir ou d'interagir avec son environnement, surtout en particulier la foule. Parce que le solaire, c'est aristocrate, ça touche les gouvernements, l'autorité, mais la lune, c'est réellement la foule, le peuple. La planète la plus neutre du Zodiac, c'est à travers Mercure qu'on comprend qu'un être humain peut être un petit ordinateur, qu'il peut être l'élément qui doit, au cours de sa vie, traiter énormément d'informations. C'est ni plus ni moins que le Pentium 4 ou le Pentium de Intel qui vient traiter une multitude de données. C'est définitivement à travers Mercure que vous apprenez, que vous étudiez, que vous avez une capacité d'apprentissage. Une dysfonction de Mercure limite énormément l'individu parce qu'il est obligé à ce moment-là de composer intuitivement avec la vie. Quand vous voulez avoir de l'ordre, une compréhension mathématique, ordonnée, stratégique, intellectuelle de la vie, vous devez passer par votre influence mercurienne. C'est bien évident que les gens qui sont touchés positivement par Mercure peuvent entreprendre, je ne dis pas qu'ils le font automatiquement, mais peuvent entreprendre des études qui peuvent être à la fois très longues, ou si vous aimez mieux, ils ont la capacité d'apprendre longtemps, probablement tout au long de leur vie. L'intérêt de Neptune est lié au fait que, comme je l'ai dit, c'est un peu l'ordinateur de votre thème, mais c'est aussi l'élément neutre. C'est celui qui réussit à vous faire démotiver les excès de perception que vous avez. Donc, les gens qui touchent la position de Mercure dans leur interprétation doivent toujours tenir compte pour la personne du signe pour la façon d'apprendre. Et dans la maison, pour la direction de cet apprentissage-là. C'est comme si je vous disais, en gros, vous ne pouvez pas vouloir apprendre tout, mais ce dans le signe où ça touche, c'est les secteurs dans lesquels vous allez avoir un intérêt. Et dans la maison où ça va se positionner, ça va être toute l'ampleur et l'importance que Mercure va pouvoir vous faire prendre dans votre apprentissage. Le talent intellectuel, la capacité intellectuelle est déterminée par Mercure. La capacité de se désengager émotionnellement d'une crise, la dramatique lunaire, la dramatique neptunienne, toute cette force de désengagement qui est nécessaire à un moment donné pour ne pas perdre la cape, c'est Mercure qui vous l'apporte. Donc ici, ce qu'on met en relief, c'est l'importance de voir cette planète neutre qui est capable de vous apporter une lucidité dans des situations extrêmement aiguës. Et même si vous avez un Neptune qui est dissonant dans votre thème, par des quadratures, des oppositions ou des effets de conjonction vicieuses comme Pluton-Mercure, vous allez toujours avoir avec Mercure l'heure juste, la vision objective de la situation selon la nature du signe et de la maison. Mais ça va évidemment être perturbé par des planètes extérieures, des planètes qui viennent interférer, mais jamais au point de perdre le contrôle sur votre mental ou votre intellect. Vous allez me dire, oui, mais si j'ai une problématique d'apprentissage, regardez votre carte. Moi, personnellement, j'avais une capacité d'apprendre, mais lentement, mais j'ai Mercure en Capricorne. Et ça disait aussi avec Mercure en Capricorne que j'étais pour apprendre sur le tard de ma vie. J'ai jamais tant appris qu'à l'âge de 40 ans, mon temps. C'est comme si aujourd'hui, j'apprends plus qu'à l'âge de 17-18 ans, parce que j'ai la maturité, la preuve, j'ai la forme, j'ai l'expérience qui me permet d'appuyer ce que j'apprends. Donc, chaque signe vous apporte son lot ou de centre d'intérêt pour l'effet de Mercure et vous donne une lucidité qui est proportionnelle évidemment à l'exploration et à l'expérience que vous avez dans la nature du signe. Et la maison va vous donner le contexte dans lequel vous allez pouvoir vous libérer de cette étude. Parce que c'est bien beau l'input et l'absorption, mais éventuellement, il faut que vous le parliez, il faut que vous l'exprimiez, il faut que vous l'écriviez. Il faut que vous donniez un rapport de ce que vous avez absorbé comme information à votre milieu. Donc, c'est la planète qui s'informe et c'est la planète qui informe. Il est important de comprendre que si vous voulez vous transmettre aux autres, c'est par les avantages de Mercure que vous allez pouvoir réussir. Si les gens vous disent « bon, on m'en demande trop, moi je ne peux pas apprendre ça », regardez votre Mercure si c'est réel. Si vous avez un Mercure qui est mal affublé d'un transit, ça se comprend. Exemple, les gens qui auraient présentement Mercure en Sagittaire, pendant que Pluton passe en Sagittaire, et qui diraient qu'ils ont des troubles d'apprentissage à l'université ou quoi que ce soit, mais qui n'en avaient pas quand ils étaient jeunes, ça se comprend. On pourrait dire oui, c'est possible. C'est extrêmement intéressant de voir, quand on analyse l'effet de Mercure, à quel point l'ordinateur de votre mental, de votre cerveau, est capable de fonctionner. Parce que c'est définitivement à travers Mercure que vous pouvez dire que vous avez une capacité d'enregistrer des données, de classer des données, de compresser des données et de dire « bon, ben moi je sais ça, non, ça je sais pas ça » et dire « j'aurais besoin de m'informer sur telle chose, j'aurais besoin d'étudier telle chose ». Et c'est plus une affaire de motivation, c'est une affaire de capacité d'apprendre. C'est Mars qui motive, c'est pas Mercure. Avec Mercure, vous n'aurez jamais de motivation particulière. Vous aurez simplement une capacité ou non de faire quelque chose. Si vous dites « j'ai de la misère à apprendre la musique », ben c'est parce que vous avez un signe qui qui n'est pas, disons, plus favorable qu'il faut à apprendre la musique. C'est pas parce que vous n'avez pas de pulsion, c'est pas parce que vous manquez de discipline, c'est parce que vous avez simplement un signe qui restreint Mercure dans ses fonctions d'apprentissage. Par contre, si vous dites « c'est lent, mais je ne suis pas pressé », ah, ben là, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté parce que votre effet mercurien va travailler, va compiler des données, va effectivement, avec un certain recul, à un moment donné, dire « ah, là, je suis capable de réaliser telle chose parce que j'ai été chercher tous les paramètres qui convenaient à ma programmation pour apprendre. » Parce que chaque personne apprend d'une certaine façon selon le signe et la maison dans lequel il est. On n'apprend pas tout de la même façon et on n'absorbe pas toute l'information à la même vitesse. Il y a des signes comme Mercure en Gémeaux, Mercure en Verseau, qui sont capables d'absorber beaucoup plus rapidement de l'information que les Mercure en Capricorne ou les Mercure en Taureau, exemple. Donc, c'est à tenir compte dans votre interprétation que cette capacité d'apprentissage n'a pas besoin d'être une motivation. Vous n'avez pas besoin d'être motivé à apprendre. Je vous l'ai dit, la motivation, la participation, c'est l'effet de Mars. Mercure est réellement une planète neutre. Ce n'est pas une planète affective, ce n'est pas une planète qui aime. C'est une planète qui est neutre, très, très important. On ne peut pas dire « j'aime étudier » ou « j'aime pas étudier ». On est capable d'étudier, on n'est pas capable d'étudier. Et si on s'évalue pas capable, on peut dire « j'aime pas cette condition d'incapacité-là ». Mais ça, ça va être un élément lunaire, un élément vénusien, mais ça ne sera pas l'effet de Mercure. Quand on comprend l'effet de neutralité de Mercure, ben, on peut s'exposer à beaucoup d'informations et simplement laisser rentrer ce à quoi ça colle. C'est comme si je vous dirais, lisez n'importe quoi, ce que vous allez retenir, c'est ce qui colle à votre mental, donc ce qui colle à votre intellect mercurien. Et ce que le traitement d'information va faire, ça va être dépendant de comment Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter dans votre thème va demander de l'information. Là, à ce moment-là, l'ordinateur va se mettre en branle et notre Mercure va commencer à fournir les informations à Jupiter, Uranus, Neptune, selon les besoins de la situation. Un des champs d'application probablement le plus intéressant pour Mercure, c'est les orientations justement pour les études, pour les enfants. Ceux qui sont parents, ceux qui touchent l'astrologie et qui veulent dire à leurs enfants, bon ben, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu devrais t'intéresser à quelque chose. Bon, il y a deux façons d'aider un enfant à s'orienter au niveau de son apprentissage, c'est de le regarder dans ses centres d'intérêt. Dans la mesure où vous comprenez que la vie, c'est un destin, que tout est marqué d'avance, que vous n'avez finalement qu'à accompagner la personne dans ses pulsions naturelles qui le dictent dans une destinée, on comprend qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pour d'autres qui veulent avoir un certain contrôle égoïque ou qui ont l'impression d'avoir un choix à faire dans la vie, ben, il y a la possibilité d'interpréter Mercure selon le signe dans lequel il est et de dire à l'enfant, bon ben écoute, toi tu devrais faire une étude de ça. Exemple, un Mercure en Gémeaux, ben l'enfant devrait être dirigé pour les langues, tous les domaines des médias, de la communication, de l'information, les secteurs de la coordination. En Bélier, ben c'est un individu qui étudie beaucoup de choses par spontanéité, par élan. Dans la mesure où il est stimulé par l'impression, il va aller chercher un champ d'apprentissage. Ça va être très multiple, mais ça va toujours être dans le but de trouver un moyen, une stratégie pour passer à l'action, pour empêcher l'obstacle d'avoir le dessus sur lui. Donc, ce n'est pas un intérêt à long terme, mais c'est un intérêt actif, réactif et qui a toujours un champ d'efficacité. Taureau, la finance, la forme, les arts même, la sculpture. Donc, si vous remarquez que vous pouvez adapter Mercure à plusieurs signes, j'ai pas le temps là, de faire l'étude de toutes les applications de Mercure, mais si vous prenez le temps de prendre Mercure, qui est un processus d'étude, et de le coller au champ d'activité de chaque signe que j'ai sur 6 CD, là, ben, vous serez capable de donner une orientation d'étude à votre enfant. Il est évident, comme je vous dis, que c'est très important, quand vous faites justement cette étude mercurienne, de laisser les pulsions naturelles se faire. Parce que souvent, il y a des transits qui passent et qui peuvent influer profondément les centres d'intérêt d'apprentissage de la personne. C'est bon et c'est valable également pour un adulte. On parle des jeunes parce que, évidemment, eux doivent apprendre beaucoup et Mercure colle à l'adolescence en particulier. Mais on est adolescent aujourd'hui jusqu'à 75 ans et on doit apprendre, un peu comme on dit, toute notre vie. Donc, pour les gens qui veulent continuer à apprendre, ben, regardez toujours Mercure, là où il y a un champ d'application, un centre d'intérêt, et laissez-vous aller à absorber l'information, peu importe la façon. Mais ne cherchez pas à forcer. Ce qui est important, c'est que Mercure va absorber tout ce qui est possible, peu importe que vous soyez discipliné ou non. C'est une éponge d'information. Donc, laissez-vous aller à vous plonger dans l'information. Lisez des romans sur le secteur qui vous intéresse. Vous intéressez à la politique, ça n'a pas besoin d'être une étude assidue. Ça peut être quelque chose que vous vous baignez dedans, vous vous inspirez. C'est un peu comme apprendre une langue par immersion. L'effet de Mercure compose très bien avec l'immersion pour apprendre. Donc, c'est un élément qui est à retenir parce qu'il n'y a pas à forcer. Le disque dur se remplit tout seul. C'est comme faire du téléchargement sur Internet. Quand on parle de Vénus, on parle inévitablement de ce que les gens appellent la séduction, qui se colle souvent à la définition du mot « aimer ». Et qui a dit dans la vie que de séduire, il fallait aimer? On peut séduire beaucoup de gens sans les aimer. On peut également être séduit par beaucoup de gens sans être aimé. Et voilà que si on parle de Vénus, on parle de désir. Et non pas d'amour dans le sens propre du terme. La compréhension de la différence entre le désir et je dirais le respect, étant donné que l'amour est galvaudé comme mot, je dirais que la différence elle est importante parce que le désir se raccole au sens, se raccole à l'impression d'avoir accédé à quelque chose, à une personne, à un environnement, à une ambiance qui nous donne pleine satisfaction par le biais de l'enveloppe. C'est l'effet d'enveloppe qui donne l'impression d'être aimé. Parce qu'on le trouve un peu comme le ventre maternel, le fœtus, cette sensation d'être protégé quand on vit un temps d'enveloppe. Les gens qui se laissent trapper par les effets de Vénus sont toujours trapis par le désir. C'est sûr que l'effet de Vénus vous crée un effet d'enveloppe par le fait de l'art, de l'esthétique, du bien-être, d'une approche qui est dégagée de tout ce qui est difficile ou rigide dans la vie. C'est comme si je vous disais Vénus, c'est l'oasis que la vie, les forces vous ont mis dans votre programmation pour vous permettre de prendre des temps de pause. C'est le moment où vous écoutez de la musique, que vous regardez une peinture, que vous regardez un coucher de soleil et que vous êtes complètement, comme on dit, dégagé du combat, dégagé de la lutte. On parle souvent de Vénus comme étant la planète du repos du guerrier ou de la guerrière, étant donné qu'on est dans des environnements aujourd'hui où l'homme et la femme travaillent avec autant d'ardeur et d'intensité. Mais l'effet de Vénus, donc, qui se rattache au bien-être dans la forme, qui se rattache au bien-être sous toutes ses formes, dans les rapports humains et dans tout ce qui peut impliquer la voix. Je vous donne un exemple. Un Vénus en taureau donne des gens qui ont d'extraordinaires voix pour séduire, pour communiquer cette espèce d'instant de repos, de détente. Il faut bien donc comprendre que ce jeu de Vénus, c'est un jeu qui essaie continuellement de réduire à néant l'agressivité qui se tourne vers vous pour une raison quelconque. L'agressivité, ce n'est pas nécessairement des individus, ça peut être des événements. Vous êtes pris dans un froid intense à l'extérieur et puis vous avez des manteaux chauds en duvet. Je vous donne un exemple. Ben, l'effet du duvet, le fait de bien-être, l'effet de chaleur, l'effet de protection que ça impose, mais dans un cadre extrêmement, je dirais, enveloppant, ben c'est un effet vénusien. Donc, c'est quelque chose qui neutralise la lutte que vous devez livrer vers l'extérieur, livrer vers ce qui cherche à vous pénétrer, vous agresser en soi. C'est sûr qu'on va parler de luxure avec Vénus parce qu'un excès d'enveloppe, un excès de bien-être, a tendance à miner, voire même détruire une sorte de momentum de combat. Vénus, c'est un peu comme la planète opposée à Mars. C'est la planète qui cherche à absorber l'inflammation martienne, l'espèce de lutte pour la lutte, l'action pour l'action. Vénus, c'est on fait du vélo, mais on regarde le paysage. Mars, lui, c'est on fait du vélo, puis il faut être rendu à telle heure. Il faut avoir fait tant de kilomètres. Faut l'avoir fait à telle vitesse. Ça, c'est l'effet de Mars. Alors que Vénus, on fait ça, mais il ne faut pas se faire de crise cardiaque. Il faut être bien. Ce n'est pas une performance, c'est un bien-être. C'est toujours la planète qui vise à séduire, qui vise à neutraliser le combat, qui vise à vous faire vibrer du bien-être. Et ces champs d'application sont aussi vastes que vous avez de l'imagination à penser à une lutte ou à un combat. Pensez à une compagnie, une entreprise qui n'aurait que des vendeurs agressifs, à un certain moment donné, vous allez être obligé de dire à ces gens-là, prenez des vacances. Vous allez faire un burn-out. Un burn-out, c'est un manque d'effet vénusien dans sa vie. C'est un manque de décoration dans son bureau. C'est un manque de bien-être dans son véhicule quand on est pris dans le trafic. Puis quand je parle de bien-être, ça peut être la musique, ça peut être... Je ne sais pas, des sièges en cuir pour certains, tout simple que ça. Je ne peux pas donner des détails dans toutes les formes, il y en a en quantité industrielle. Fait que l'effet de Vénus, donc, pour l'individu, c'est très, très important parce que c'est le goût de vivre. Dans une situation de guerre, où il y a beaucoup de guerre, où tout est détruit autour de nous, c'est une personne qui sort une guitare, qui ne sait pas jouer beaucoup, mais qui sait au moins 3 accords pour pouvoir dérider les tensions extrêmes des gens. Ça, c'est l'effet de Vénus. Toute personne a Vénus dans sa carte, et puis votre Vénus, c'est votre oasis. C'est l'affaire que vous devez protéger si vous voulez bien vieillir. C'est avec Vénus que vous allez résoudre la problématique du vieillissement. Toutes les cures de jouvence, les traitements esthétiques, les silicones que les femmes se mettent dans les seins ou un petit peu partout, que même des hommes aujourd'hui commencent à se mettre ou à se mettre une espèce de colorie d'un cheveu, des moumoutes, ces affaires-là. Ce sont tous des éléments qui visent à créer un effet de forme pour engendrer un bien-être dans la vie des gens. Donc, il faut bien comprendre que les conflits qu'un individu peut rencontrer au cours de sa vie avec les autres, avec les gens, c'est toujours des conflits qui sont liés à un manque d'effet vénusien. Parce que si vous ne savez pas dire les choses, si vous ne savez pas séduire, tu sais, quand on dit que quelqu'un a de l'allure, bon, de l'allure, c'est vénusien. Avoir de l'allure, c'est avoir une capacité de séduire, une capacité vénusienne. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'aime pas telle personne, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Quand vous avez un jugement sur une personne qui n'est pas fondé sur quelque chose de concret, ou qui n'est pas fondé sur une preuve ou un rendement ou une performance manquante, quoi que ce soit. C'est simplement le fait que, comme on dit, sa face ne vous revient pas. C'est parce que la personne ne vous séduit pas et que vous avez une antipathie face à sa façon de se présenter à vous. Je comprends que dans les entreprises, surtout à haut cadre, là, à haut stage, là, disons, d'impression, ils vont toujours demander à ce qu'une personne est une belle présentation physique dans son apparence. Bon, c'est prouvé que les gens qui sont gros, obèses, ont moins d'ouvrage, ont moins de salaire, ont moins de capacité de performer que les gens qui sont plus minces, plus athlétiques, plus sportifs et donc conséquemment plus séduisants. Donc à retenir que l'effet de Vénus, c'est payant aussi. C'est pas juste le bien-être. Mais si vous savez travailler avec votre pouvoir de séduction, peu importe que vous ayez une appréciation de vous-même ou pas, il est très, très important de comprendre que cet effet de Vénus a des effets très, très concrets sur votre environnement. Pas simplement d'appréciation affective, mais de capacité de mettre en relation des contrats avec votre personne pour arriver à des quelconques résultats dans vos rapports avec les gens. Vénus, les gens l'interprètent comme une planète de faiblesse, souvent. Mais essayez de voir, si vous êtes une femme, essayez de voir à quel point un homme peut être faible ou vulnérable avec une belle femme. Et vous allez comprendre que c'est très fort. Fait que Vénus, prenez pas ça comme à la légère. Dans votre carte du ciel, vous avez une façon de séduire, vous avez un signe qui va mettre en relief un environnement et une ambiance dans lequel vous pouvez séduire. Vous pouvez pas séduire partout. Il y a des zones dans lesquelles vous pouvez séduire et d'autres que vous ne pouvez pas. T'sais, je vous donne un exemple. Un Vénus en scorpion va séduire par sa passion. Mais ça séduit pas tout le monde. Il y a des gens que ça séduit pas même du tout. Si les grosses compagnies comme Provigo réussissent à faire des millions avec 3% de profit, visez pas 100%. Si vous cherchez pas à séduire 100% de votre environnement, vous êtes heureux. Moi, je fais des conférences en me disant, si j'ai 10% des gens qui me comprennent, j'ai réussi ma soirée. Fait que Vénus, c'est un peu le même principe. Vous pouvez pas vouloir séduire tout le monde, mais vous avez un style qui va séduire un certain groupe de gens. En final, ce qui est important de comprendre avec Vénus, c'est qu'il ne faut pas confondre désir, appréciation de la forme, séduction avec le mot amour. Quand les gens comprennent bien cet aspect, ils n'ont pas trop de confusion dans l'interprétation. Évidemment, l'esthétique, la belle apparence, les belles formes, c'est une détente, c'est une relaxation. Ce n'est pas nécessairement à propos dans toutes les circonstances, mais c'est nécessaire dans la vie des gens. C'est nécessaire pour se détendre, pour se dégager du combat et de la lutte. Donc, le principal à comprendre, c'est que dans le désir, il y a une recherche de paix, un bien-être qui doit apparaître à un certain moment donné dans notre vie. En général, on désire les choses qui nous apaisent, qui nous sécurisent, qui nous harmonisent. Et certaines personnes vont rechercher le désir à outrance parce qu'ils vont trouver dans ce confort, dans cette détente, un mode de vie. Un mode de vie qui ne correspond pas à la réalité de la vie dans son ensemble. Parce que pour en arriver à se créer un mode de vie de détente, de retraite, de repos, il faut vivre un combat. Il faut traverser le rejet. Il faut traverser des luttes. Donc Vénus demeure quand même un élément accessoire à l'après-guerre. Si on parle de Mars, on parle de combat. On parle de capacité de se mettre en mouvement. J'ai vu beaucoup de gens au cours de ma vie qui souffraient d'inertie chronique. Et c'est comme si le bouton de démarrage de Mars n'avait jamais été utilisé. Toute personne dans sa vie a une capacité de se mettre en mouvement, une capacité de se donner un minimum d'élan pour s'allumer à quelque chose, un projet, une idée, une personne dans le sens d'une relation avec une personne. Et c'est l'effet martien qui installe cette espèce, pas de volonté, mais de pulsion qui propulse, ni plus ni moins, l'individu dans une dynamique de participation. J'applique sur le mot dynamique et non pas de volonté de participation. La volonté étant solaire, et le combat, ou si vous aimez mieux, la drive en anglais, ou si vous aimez mieux, la volonté de participation, qui est en fait de la participation. J'applique sur le mot participation parce que une volonté, ça peut être individuel. La participation, ça implique un allumage dans un échange, une relation avec un environnement. C'est qu'une volonté, ça n'a pas besoin d'être allumé. C'est quelque chose que tu veux, point pour toi. Tandis qu'un projet, une idée de se mettre en mouvement pour quelque chose en particulier, ben ça, c'est inévitablement un enclenchement, un allumage qui doit passer par les jeux de Mars, donc dans un jeu de déclenchement. Mars, c'est vraiment le combat, la participation, l'effet déclencheur. Et il faut toujours comprendre que ces effets déclencheurs ont un effet extrêmement positif sur l'environnement, dans la mesure que c'est contenu par l'environnement. Les gens qui sont exposés à trop d'inertie, c'est des gens qui ont mal composé avec les jeux de Mars. Vous avez été agressif un peu trop pour votre milieu, vous avez débordé, et les gens vous ont imposé une sorte de convention pour vous restreindre. Si vous avez une capacité d'enclencher facilement, dans le sens que vous n'avez pas de censure à outrance dans votre vie pour vous mettre en mouvement, c'est parce que vous avez eu la chance dans votre vie de ne pas être interdit dans certains milieux, de ne pas être expulsé de certains milieux, que vous avez finalement agi dans les milieux qui étaient le plus aptes à vous recevoir. Et c'est très important, surtout quand on commence dans la vie à explorer nos pulsions, on va dire, martiennes, c'est très important d'avoir la bonne dose. C'est très important de comprendre les autres dans ce qu'ils peuvent contenir de notre combat. C'est le charisme qui découle de ces jeux de Mars. Le charisme, ça peut être aussi l'effet de Neptune, mais pour mettre le feu aux poudres, il faut que Mars allume quelque chose. Fait que l'individu qui doit mettre une énergie vitale, un intérêt dans un mouvement, imposer à son milieu un beat, un rythme, ben, c'est Mars qui dicte ça. Vous arrivez dans de la musique, vous avez le rythme avec Uranus, mais vous avez l'attaque à la guitare, l'attaque au saxophone, l'attaque à la basse, à la batterie. C'est tout ce qui est attaque, donc qui amorce, c'est martien. Et un individu qu'on dit impressionnant a toujours une bonne utilisation, un bon dosage de ses jeux martiens. C'est donc dire ici à quel point ça devient important dans sa vie ou dans la vie de comprendre comment notre mécanique martienne fonctionne. Et ça, c'est dans le signe que vous avez avec l'effet de Mars que vous allez pouvoir connaître la nature de votre combat. Si vous avez un Mars en poisson, ben c'est les grandes causes qui vous mettent en mouvement. Si vous avez un Mars en lion, c'est le panache, le prestige et les trophées qui vous mettent en mouvement. Mais ce qu'il faut comprendre dans le jeu de Mars, c'est que lorsqu'il enclenche un mouvement, il ne donne un mouvement que pour très peu de temps. Quand vous démarrez votre auto, vous ne gardez pas la clé de contact poussée à fond pendant tout le temps que vous roulez. Vous amorcez, ça déclenche, ça amorce, et inévitablement, ça permet à ce que cet allumage-là installe une synergie, une action avec toutes les autres pièces du moteur. Vous regardez des gens qui se combattent dans un sport. Il faut une énergie martienne. Vous regardez des vendeurs qui doivent produire des quotas dans une entreprise. C'est encore l'effet de Mars. Les soldats, c'est encore plus évident. Il n'y a rien de plus lié à la guerre que Mars. C'est le dieu de la guerre. Mais dans un cadre social, quand on dit souvent « le chasseur va trouver sa proie », ben le chasseur, c'est sous l'effet de Mars. Il est évident que bien connaître les mouvements martiens dans sa carte du ciel permet d'exploiter au maximum le momentum de votre vie et la capacité de comprendre aussi ce que les gens sont capables de contenir de votre combativité vous permet de voir comment vous pouvez éliminer ou esquiver les interdits et le rejet de votre milieu. Une personne qu'on dirait trop agressive dans un milieu va se faire isoler d'une façon ou d'une autre, soit par l'absence d'échange, l'absence de communication ou carrément par des lois ou des règlements. Les tueurs en série ont des effets martiens qui débordent de ce qu'on leur permet de faire. Il y a une différence entre dire à quelqu'un « je t'aime à mort » puis quelqu'un qui met à mort quelqu'un parce qu'il l'aime trop. Ben, en fait, c'est plus de l'amour. Mais c'est quand même un phénomène martien. Fait que là, je donne un exemple qui est cru un peu, mais c'est pour faire voir à quel point l'effet de Mars peut être débordant, même si c'est au niveau du langage, même si c'est au niveau d'une agressivité visuelle. Vous regardez quelqu'un dans le blanc des yeux et vous avez une attitude agressive. Ben, y a des gens qui ne contiennent pas cette énergie parce que c'est une énergie, c'est une vibration, c'est pas simplement un geste. Dans le geste, il y a quelque chose qui se transmet qui est au niveau d'une vibration. Ben, Mars capte tous ces éléments-là et les véhicule dans une vibration, dans un geste, dans une façon de faire les choses et souvent dans une forme. Ce qui fait que dans une forme, à un certain moment donné, on s'en rend compte qu'il y a eu exagération et voire inflammation, et c'est l'effet de Mars. Les accidents, il y a évidemment Uranus, mais Mars se mêle là-dedans assez fréquemment. Et tout ce qui s'appelle lésion, inflammation et coupure, tranchant, pénétration comme une balle de fusil ou quoi que ce soit, là, ben ça c'est un effet martien. Et tout ce qui vous permet de percer un marché, tout ce qui vous permet d'aller au-dessus de vos limites, donc de vous donner un petit peu d'andromorphine pour faire le 1000 km de plus qu'il faut pour arriver à un résultat, c'est toujours l'effet martien. C'est une sorte d'auto-stimulus à se dépasser, donc c'est toujours un effet martien. C'est très important de comprendre cette planète dans ce sens-là et surtout comprendre dans la maison où elle est, où on peut faire du dégât, où on peut se faire vivre un rejet quelconque. Et c'est évident que si vous avez une maison qui est en Mars et en dissonance avec d'autres planètes, c'est là que vous pouvez vivre des instants ou des moments extrêmement inflammables et extrêmement agressifs de la part de votre environnement qui est en réaction avec votre dynamique martienne personnelle. Les gens également se posent une question, est-ce que dans l'amour, on parle souvent de Vénus-Mars, est-ce qu'on peut considérer l'approche dans une relation comme étant sous le jeu de Mars? Mars, c'est collé à l'homme, mais ça peut être aussi à la femme. La capacité chez la femme de ne pas se laisser mourir si elle est seule, de ne pas toujours être en attente qu'un homme vienne la chercher, ça exige qu'elle mette en vibration, qu'elle mette en mouvement l'aspect martien de sa vie. C'est pas parce qu'une femme a été pendant des années enlignée à penser d'une façon lunaire et vénusienne qu'elle n'a pas le Soleil et Mars pour se donner une autorité et un sens de l'enclenchement. Évidemment, il y a des mouvements naturels chez la femme qui sont d'être peut-être un peu plus passives. Mais les femmes qui sont marquées par des aspects très importants de Mars savent très bien qu'ils ont en eux cette volonté de guerre, cette volonté de combat, qui ne se vit pas comme chez l'homme, à cause que l'éducation n'est pas la même, mais qui a la même fonction d'enclencher des rapports où il y a beaucoup d'intensité et il y a beaucoup d'élimination de l'inertie. Donc, plus particulièrement pour la femme, l'effet de Mars vous permet, lorsque c'est bien exploité et qu'on comprend bien le signe et la maison dans laquelle Mars est, ça permet d'éliminer 90% de l'inertie de votre vie. Il y aura toujours Saturne pour vous restreindre, mais si votre Mars est délivré de tous les interdits, de toutes les censures de votre vie, dans la maison et le signe dans lequel c'est placé, surtout pour la femme en particulier, ben, il y aura réellement un dégagement, il y a une sorte de sentiment d'être en contrôle de sa vie. Parce que l'effet de Mars, c'est un effet de lutte, un effet de combat, un effet de participation. Et quand on sait qu'on peut s'allumer à volonté dans le secteur dans lequel on est favorisé et qu'on fait attention justement aux réactions de notre environnement, qu'on n'a pas des attentes à n'en plus finir avec du monde qui ne seront pas capables de nous contenir, ben quand on a un bon dosage là-dessus, il n'y a plus de problème. Donc, je vous souhaite bonne chance à faire l'étude de votre Mars natal, parce que c'est une planète importante pour vous délivrer de l'inertie.